Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 33. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. الإمام ابن قدامة رحمه الله ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. الإمام ابن قدامة رحمه الله أبخي أبو خصيته العقيدة المسلم عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف يكمل صليبه بسبب. Aïe, si tu veux préserver ta aqida, ayyuhal muslim, que tu as étudié l'al, écarte-toi d'Ahl al-Bida. Si tu te mélanges à Al-Shar, tu pourras être touché. Fali hadha al-ulama, souvent ils citent cette masala. Tu connais la voie des salaf, bah, écarte-toi d'Ahl-Ula. Écarte-toi d'Ahl al-Bida. Li annahum in shubha. Et ils mettent des doutes à la personne ou à l'iyadu billah. Fa min aqida al-salaf, annahum ils s'écartent d'Ahl al-Bida. الشيخ ابن تيمية رحمه الله هجران أهل البدع. قال الهجران مصدر هجر. قال وهو لغة الترك. نعم. فالهجرة الهجرة هي الترك. الهجرة هي تدلس عن بي كافر بغى بي مسلم. فاسل من مصدر الهج أو الهجران. قال والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم. سيسا تهجرهم تل دلس. Comme tu délaisses Bilal al-Kufr, comme tu délaisses Al-Ma'asi, comme tu délaisses Al-Bida', كذلك tu délaisses Ahl al-Bida'. قال وموالتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. C'était ça, منهج السلف avec Ahl al-Bida'. لا سلام ولا كلام ولا زيارة ولا أكل ولا شرب معهم. السلف بخزغ بلغ الدين. لكن avec Ahl al-Bida'. Faut pas tout mélanger. Avec Ahl al-Bida'. أما واحد من إخواننا أهل السنة إذا في une erreur et cette erreur elle n'implique pas qu'il tombe dans le bid'a فلا أو أن جاهل عامي إلى دي شبه مسكين ça n'implique pas الهج. الآن الكلام اللي في أهل البدع. قال وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. وكعب بن مالك صحابي جليل رضي الله عنه لكن ابتلي. قال لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك. يقول شيخ ابن عثيمين سي ان بروفي دو ساسوار افيك بور لو مونتري الحق فلا بأس. لكن هذا الأمر اللي ضيق عند أهل العلم. سي با تو المون. Oublie jamais أن المصلحة va dans les deux côtés. بعض الناس أحيانا ils regardent que la مصلحة de ce مبتدع. مثلا il dit si il y a un profit, une مصلحة, ce مبتدع il accepte حق, je me mélange avec lui. Oublie pas ta مصلحة à toi, ça va dans les deux sens. لأن si tu t'assois avec lui et t'as passé d'ilm et tu cites des شبهات que tu ne pourras pas répondre, c'est une mafsada pour toi. Tu peux t'égarer. Enfin, c'est dans les deux sens. Si un nasih, il a du ilm, il a un din qawi, il connaît les shubuhat de ce mubtadi'. Mitl ahl al-ilm. Amma anta ayuha talib, t'es un talib, t'es un débutant. Min bab awla un ammi, il étudie pas al-ilm. Hada yabta'id mutlaqan. La maslaha fi alihi, c'est qu'il s'écarte. Préserve ton din. Amma hada al-mubtadi'i va te citer des shubuhat, tu pourrais pas répondre. Fa fi hada al-hal, la maslaha, le profit pour toi, c'est de t'écarter. Et tu préserves ton Dieu. Si tu veux l'aider, hada al-mubtadi', fais du'a. Ou, tu préviens, wahid ka du ilm. Tu connais un savant, tu connais un shir, tu connais un grand talib. Et il peut lui montrer, anta tu le montres. Tu lui dis, fulan, il a des erreurs, conseille-le, incha'Allah. Amma anta la. Hatta l'alim, la ya'man ala nafsi. Fassalama, salama, c'est l'ibti'ad anhum mutlaqan. Il n'est pas obligé de se mélanger avec eux. Tu trouves qu'Athir bin Ahl al-Ilm, il ne se mélange pas avec eux. Il le sait avec un livre maintenant. Ibn Sirin, rahimahullah, min a'immat al-Sunnah, il coupe avec Ahl al-Bida'a mutlaqan. Hatta le Coran, il n'écoutait pas minhum. Lakin, dans certains cas, il y a une maslaha azima, et la personne, il a du ilm, fala abas. Comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah. Mathalan Ibn Abbas, al-Bahr al-Habr, c'est min a'immat al-Salaf, bal min ulama al-Sahaba, radiyallahu anhu. Il a naqaj al-Khawarij. Ils se sont regroupés, comme ta'alamoun, fi Haroura, et ils voulaient combattre Ali. Ibn Abbas, il a demandé la permission à Ali d'aller leur parler. Hatta Ali, au début, il a refusé, il a dit là. Une grosse partie d'Aoula, ils sont revenus avec Ibn Abbas, à la Sunna. Il y a eu une maslaha azima. Une autre partie, ils se sont entêtés. Ils lui ont fait aucun mal. Lakin Ibn Abbas, il était à la ilm. Ils lui ont cité des choubas, il avait la réponse. Et ça a fait du bien. Kathir minhum. Yaqulun akthar min alf. Plus de 1000, ils sont revenus ce jour-là. من عظيم لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قالوا هذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة et ça c'est أسلم Cheikh Ibn Taymiyyah, il te montre, elle n'était pas obligée de te rassembler avec lui, de t'asseoir avec lui maintenant. Tu peux lui écrire une nasiha. Il ne te fera aucun mal, de loin. Tu préserves ta aqidah, tu préserves ton manhaj, et lui, s'il veut le khayr, il a lu, khalas. Hada ahsan. C'est aslam. Khasat al-Vihad al-Asr, c'est simplifier la communication là. Et tout ça, même ça, c'est avec ilm. Ça, c'est avec ilm. Wa min hajr ahli al-bida. ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب أن الابتعاد عن الشر سواجب ابتعاد عن مواطن الضلال سواجب t'as pas le droit de t'approcher. بعض الناس مثلا ils s'autorisent des choses. Il achète un livre d'un mubtadi' مثلا on dirait c'est autorisé. Là je vais rien regarder. C'est interdit, c'est haram. Peut-être que ce livre de Mubtadi, ça va rentrer dans ton cœur, tu t'égares. Tu auras des doutes. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمع به فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشبهات رواه أبو داود قال الألباني إسناده صحيح. Et ça c'est un dalil, il est قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. Certaines personnes à l'époque du Dajjal, ils vont aller le voir. Et il va tomber dans le fitan. L'ENA, il va arriver des choubah. Il n'aura pas la capacité de différencier. Est-ce qu'il est à la batil ou haq. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré. Aslan, tu ne t'approches pas. Hakada al-an. Musibat l'internet. C'est une musiba azim. بعض الناس يغوط مثلا على الانترنت يدي السيت على السنة والله الحمد تو بروفيت لكن بعض الناس تو لو تروف سور انترنت ثم يفا دون دي سيت بيزار سيت اخواني او سيت تكفيري او انتبه انترنت سي كوم ان ليفر سي لا ميم شوز السلف ils interdisaient de regarder dans كتب اهل البدع فكي سي كي t'a autorisé à ouvrir ce site de mon petit frère ثم يلي ثم يلي عن دوت فلا بيرسون ينتبه ينتبه انترنت t'enregistres les sites qui sont à la sunna dans tes liens et le reste t'as pas besoin de regarder. Tu rentres sur internet si t'as besoin, tu regardes ces sites, tu profites et Thomas tu fermes et t'as l'ilm vraiment. Internet a des avatés, des vapes. Cheikh Foulan il a dit ça, une occasion maintenant. Il a dit qu'ada, ça c'est haram. T'as profité, khalas. Apprends le Coran, apprends sunna. قال لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا سنك comme ce qu'on a cité auparavant أحيانا c'est obligé un مبتدع il a sorti un livre. Et beaucoup de musulmans, ils le lisent. Là, chaque année, ulama al-sunna, ils vont consacrer du temps, ils vont répondre à ces choubas. Ça, c'est pas tout le monde. Ça, c'est ulama al-sunna. Wa talabat al-ilm al-mutamakkini. Eux, ils ont cette capacité de répondre. Et la choubah, il connaît la réponse. Ça va lui faire aucun mal. Hada. Fa, la yazal, ahlul ilm, yaruddoun ala ahlul bida. Que ce soit leur site, leur livre, leur cassette, yaruddoun. Lakin, hada, kadhalik, c'est pas un bab, il est wasi'. Tout le monde fait ce qu'il veut. je vais rad aller à l'ikhwan, il commence à aller dans des sites d'ikhwan, là il y a juste d'accord. Tu laisses Ahlul Ilm. قال الجدال والخصام في الدين. قال شيخ ابن تيمين الجدال مصدر جادل والجدل منازعة الخص للتغليب عليه. Tu vas polémiquer avec une personne, tu vas avoir un dialogue pour prendre le dessus sur lui. C'est ça le jidal. قال وفي القاموس الجدل اللدد في الخصومة والخصام المجادلة فهما بمعنى واحد. الجدال والخصام سي لا ميم شوز. سي لو فات دو ديالوغي دو بوليميك افيك اون بيرسون بور بروند لو دوسو. لان تو با افوار ان ديالوغ افيك اون بيرسون ان ديالوغ دون لا في تو لي جور. سي با ان جدال. تو بارل. اما الجدال لا سي ان دي دو يفو بروند لو دوسو. قال وينقسم الخصام والجدال في الدين الى قسمين. هذا الجدال الان والخصام يا دو كاتيغوري. قال الاول ان يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وإبطال الباطل وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال. نعم ça dépend du cas. Le premier ça peut être obligatoire. أي c'est que ce jadal أولا si ça avec un mubtadi on a expliqué c'est pas tout le monde. Celui qui a la capacité من أهل العلم وطلبة. Ce jadal il peut être obligatoire, il peut être recommandé. Ça dépend du cas. Et le but c'est que le haq il prenne le dessus. Le but c'est pas toi. Là, le but c'est que c'est le haq qui prenne le dessus. Et toi tu fais ça lillah. Toi t'espères que dinullah il a le dessus. Et t'espères que cette personne avec qui tu polémiques il revient il a le haq. Et inshallah c'est une bonne nuit. Cheikh Mokbel Marra, ils lui ont proposé de jadel avec un shi'i min Sa'da, un munharif. Et ils ont expliqué à Cheikh Mokbel dans ce shi'i. Il a critiqué beaucoup Cheikh Mokbel. Il a dit Cheikh Mokbel, c'est un cadre, il a menti sur lui. C'est un wahhabi. Ils sont venus voir Cheikh Mokbel, ils lui ont dit, Cheikh, jadel le, montre-lui. Cheikh Mokbel l'a dit là. Il a dit, si je le jadel, je vais défendre mon neuf, parce qu'il m'a critiqué moi. Envers Wara, Aimat al-Sunna. Cheikh Mokbel, il sait que cette personne le critique lui. Cheikh Mokbel, il a eu peur de rentrer dans la polémique et défendre son neuf. Et là, il a critiqué lui. Cheikh Mokbel l'a dit là. لقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادل بالتي هي احسن. هذا c'est le dalil qu'il a cité auparavant avec toutes les conditions qu'on a citées bien sûr. C'est pas pour tout le monde. قال الثانيه يكون الغرض منه التعنيت. التعنيت سنه التعنت. قال والانتصار للنفس والباطل. Tout ça c'est haram. Que ça soit pour ton nefs. Ou que ça soit pour défendre le bâtel. بعض الناس والعياذ بالله ils sont هكذا. Il ناقش avec un frère, il sait que le frère il a le haq. Il le sait au fond de lui. Le frère il a cité des adillah, des paroles de savants. Il sait. Il ناقش, c'est pour le bâtel. والعياذ بالله. Il veut montrer que son corps, non j'ai raison, malgré qu'il sait qu'il est à la bâtel. Regarde le hal, ya akhi, arrête-toi. Arrête-toi, t'es à la khatar. Tu sais que tu t'es trompé, mets ta fierté de côté. Akhi, jazakallahu khayr. Le but c'était qu'on a le haq, tu l'as montré. Ils ont un jadal ajib. Il faut faire attention. Tu commences. Le départ c'est pour din. Et la personne il se rend compte. C'est pour son nefs. Enfin, maintenant, s'il critique toi, ça implique pas qu'il a critiqué din. Là, peut-être que la critique, elle est fondée, tu te trompes. Ça ne veut pas dire celui qui parle mal de toi, il a mal parlé sur din. Là, peut-être une personne est trop proche à une chose, et c'est vrai. C'est vrai, tu t'es trompé. Enfin, il faut faire la différence. Si c'est pour din, ou pour nefs. قال فهذا قبيح منهي عن لقوله تعالى ما يجادل بآيات الله إلا الذين كفروا. هذا الجدال الآن من صفة الكفار يجادلون في آيات الله. Tu lui emmènes un verset clair. Il a de la polémique. Il jadle. Son but c'est de rejeter l'aïe. فالحذر الحذر. قال وقوله وجادلوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أي الجدال الآن il était pour le bâtil et rejeter le haq. Le résultat, قال عز وجل فكيف كان عقاب. Ils ont été châtiés. La personne ينتبه التكلف. Il se met des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Il viendra le jour si tu es faible et tu as du ilm, inshallah tu feras du khayr. La part des gens au début, il a un takalluf ajib. صلى الله سبحانه وتعالى الثبات. فمن منهج السلف الصالح ومن عقيدة أهل السنة هجران أهل البدع والترك مجادلتهم والخصومة معهم. صف سلوك القدرة أي المنفعة حتى هذا الذي سبا واسع لأن المصلحة عالفة دولي توسوس. فمن أئمة السلف إذن كبلي لي أبك أهل البدع مطلقا. فالإنسان يسكنصد في العلم متى فقص دون العلم Si tu as de la force, mets-les dans l'île. Tu verras que tu n'auras pas le temps de naqish fulana ou allah. Amma ba'd an-nas, ils ont farak, ils n'ont rien à faire, ils ne t'lopent pas l'île. Mais tu trouves qu'il a de la force. Il va la mettre avec fulana et fulana, il perd son temps. Mets ta force dans l'île. Tu verras que tu n'auras pas le temps. Amma, l'ail nahar sur internet, sallallahu alayhi wa sallam. الإمام ابن قدامة رحمه الله وكل متسمٍ بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعادنا الله منها. الآن السجن مسألة أن تتفضغوا دتنومي أذك نطخ نوك الإسلام والسنة. فمثلا من الأسماء المشروعة تقول شو مسلم شو سني شو سلفي تقول أسماء مشروعة لأن التسمية بالإسلام والسنة السلف إذا تعالى الإسلام والسنة إن شاء الله بيكسبيكي ست مسألة دون كلمة كنا بفاء أصول المنهج السلفي ونا بيكسبيكي هذه التسمية ثم إلى سيدي زيكزوب الرافضة الجهمية إلى آخر لا يجوز إن بيرسون يسابل avec un autre nom أو avec un nom qui n'est pas légiféré. واحد يدي شو ان تبليغي واحد يدي شو ان صوفي واحد يدي لا يجوز هذا. سيدي أسماء سو با مشروعة بل سي أسماء سو فوندي على البدعة. قال الشيخ ابن عثيمين علامات أهل البدع وذكر بعض طوائفهم يبقى سيتي دي علامات كومون تو ريكوني مبتدع اي سا سي مهم لأن دون لو باب بريسيدون ابن قدامة nous a mis en garde contre le مبتدع. الآن أنت tu dois savoir ce qui est مبتدع. Connaître le mubtadi' c'est muhim. Hatta on mélange pas. قال لأهل البدع علامات منها الأولى أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. هذه سي لا بروميير علامة. قال الثانية أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. سي الأصل في المبتدأ أنه دكنا نفي ils sont têtes. Voilà où tu le montres avec des arguments min kitabillah wa sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. قال الثالث انهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. هذا سمن أبرز ومن أوضح علامة أهل البدع انهم يدتست علماء السنة. قال بعض السلف الإمام أبو حاتم فيما أذكر الرازي رحمه الله أن من علامات المبتدعة الطعن في علماء السنة أو في علماء الأثر. صحيح إن علامة. يكرتك عالم من علماء السنة لا أكن دليل. يكرتك هكذا لا يجوز. si c'est trompé ça ça reste un savant ça dépend bien sûr de l'erreur. لكن هكذا الغلو والطعن في علماء بالحق. la personne il fait attention au غلو et العلم. C'est l'ilm qui va stabiliser la personne. Amma les forums et Fulan il a dit, ça c'est pas du ilm, abadan. قال ومن طوائفهم الأولى الرافضية ويقال كذلك الرافضة. قال وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم وهم فرق شتى. قال فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك وهؤلاء كفار كما تعلمون. فالرافضة سيدة مبتدعة أي إزو إنوفي دون الغليجون سيدة إنوفاشون إزا في سورتير من الدين إزو بريتندو كعلي سيد إله إزو إنسلتي لكمبانيون تسا سيدة إنوفاشون الآن بدعة لأن إلو فو إي بريتند كسا في بارتي دلور دين فسي بدعة et en même temps elle fait sortir de l'islam. Al-bid'a, on avait vu Tal-Qasim et Al-Qismay. Il y a des bid'a qui font sortir de l'islam, bid'a'tun kufriya, et il y a des bid'a qui ne font pas sortir de l'islam. Bid'a'tun mufassiqa. Wa awwal ma zaharat bid'a'tun fi ghilafat Ali ibn Abi Talib, hina qala lahu Abdullah ibn Saba, al-Yahudi, asluhu il est de San'a. Et il a prétendu que Ali, c'est l'ilah. قال أنت الإله فأمر علي بإحراقهم وهرب زعيمهم عبد الله بن سبا إلى المدائن. Cette secte ma'roufa, ils l'appellent Al-Saba'iyya. C'est un groupe de Rawafid, ils ont prétendu que Ali c'est l'Ila. مذهبهم في الصفات مختلف ومنهم المشبه ومنهم المعطل تتخف دروافد يبونس بلوز فيغ التشبيه دروافد يبونس فيغ التعطيل قال ومنهم المعتدل وسم الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. Tout ça, on l'avait expliqué في la kalima qu'on avait fait sur ضلالات الرافضة. On avait fait une kalima sur les égarements de الروافض. قال الثانية الجامية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم. نعم. أي اختلفوا في هذا الاسم. قال ابن أحوز قال نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم ابن أحوز. celui qui l'a tué s'appelle سالم ابن أحوز أو سلم ابن أحوز. قال سنة 21 و100 مذهبهم في صفات التعطيل والنفي وفي القدر القول بالجبر. tout ça تقدم. on a vu التعطيل dans les règles et on a vu الجبر في القدر. قالوا في الإيمان القول بالإرجاء. on l'a vu dans l'Iman. et tout ça va revenir إن شاء الله. dans الواسطية dans التدمورية on verra en détail مذهب الجهمية. قالوا أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب. قال وليس القول والعمل من الإيمان. فعندهم تنكرونك الله سلك خاطئ تامؤمن. قال وليس القول والعمل من الإيمان. فاعل الكبير عندهم مؤمن كامل الإيمان. فالجهمية dans les صفات سدي معطلة. dans le قدر سدي جبرية. dans الإيمان سدي مرجئة. ils ont rassemblé tout ça. قال فهم معطلة جبرية مرجئة. وهم فرق كثيرة. نعم. المعطلة يا plusieurs فرق. الجهمية يا plusieurs فرق. il les a cités في التدمورية فيما أذكر. قال الثالث الخوارج وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم. أي ils ont prétendu أن علي il a pas jugé avec les lois d'Allah. هؤلاء يسمون الخوارج. ça vient de الخروج. أي ils sortent contre les gouverneurs. قال مذهبهم التبرع من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة والتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار وهم فرق عديدة. هؤلاء إذن جغلوا. قال الرابع القدرية كاتخيام جروب القدرية. قال وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته. on a vu ce secte dans Bab al-Qadr. الجبرية il dit dans l'insan il est majbour, il n'a pas le choix. Al-Qadariya, il croit pas au Qadar. Ils disent que c'est la personne qui fait lui-même ses œuvres. قال وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوس في البصرة وهم في القتال. ces groupes, الأصل ça vient de اليهود أو المنافقين. tous ces groupes, الجهمية c'est يهودي la tête. الخوارج ذو الخويصرة سامنافق. القدرية نفس الشيء. معبد الجهاني tous cela ils ont pris الفكرة من اليهود. tous ces groupes والعياذ بالله ils ont délaissé le Coran والسنة et ils ont pris أفكار الفلاسفة أو أفكار اليهود أو des شبهات من المنافقين. ils se sont égarés. قال وهم فرقتان غلاء وغير غلاء. غلاء أصحاب الغلو. قال فالغلاء ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد والعياذ بالله. هؤلاء ذي كفار. كفرهم ابن عمر رضي الله عنه. إني بريء منهم قال رضي الله عنه. أي براءة مطلقة ذي كفار. ils ont renié, ils ont démenti qu'Allah il sait, il a ilm بالأمور. ils ont dit là dès que tu le fais Allah il sait. ça c'est du kufr. وهؤلاء والله الحمد الآن ils existent plus كما قال شيخ الإسلام. en tant que groupe il n'existe plus. Rupama, certaines personnes ils ont cette pensée wal'iyadu billah, amma un groupe avec un guide avec il n'y a plus hada. wallahi alhamd. qala wa haula anqaradu aw kadu hada shumna tamin lasti anqaradu ay ils ont disparu aw kadu aw ils ont presque disparu amma un groupe il n'y a plus. qala wa ghayr alghula yu'minuna bi anna Allah 'alim bi af'al al'ibad lakin yunkiruna وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه وهو الذي استقر عليه مذهبهم. نعم القدرية الآن الذين يقولون أن الله لا يكره الشر Ils reconnaissent en Allah, ya'lam. Lakin, ils ont des problèmes fil irada, fil mashiyya, fil khalq, comme il dit. Qala al-khamis al-murji'a, wa hum alladhina yaquluna bi irja'i al-amal 'an al-iman, ay ta'khiru 'anhu wa laysa al-amal 'indahum min al-iman. On l'a vu dans bab al-iman qawlun wa 'amal wa i'tiqad. Yazidu bit-ta'a wa yanqus min al-'asiyya, 'aqidatan lis-sunnah. Haoula yajiz la. Haoula yajiz al-iman, c'est une parole et une croyance. Al-amal pour eux, ça ne fait pas partie de l'iman. Et c'est des égarés. Al-murji'a, ça vient de l'irja. Al-irja, c'est ta'khir, comme on dit. Et ils ont écarté al-amal min al-iman. قال والإيمان مجرد الإقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان عندهم كذلك الإيمان il descend pas. Pour eux l'iman c'est une chose. Si tu l'as, tout le monde a la même. قال وإن فعل ما فعل من المعاصي وترك ما ترك من الطاعات وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض الشرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقربه لا لترك هذا العمل عسل الضلال. قال وهذا مذهب الجامية وهو مذهب الخوارج على طرفي نقيض. الخوارج ils ont fait du غلو. المرجئة c'est un autre extrême. Tu fais des معاصي ça fait aucun mal à ton iman. Vous avez vu les deux extrémités? Ahle Sunna, ils sont au milieu. Si c'est une ma'asiyah, en dehors du kufr et du shirk, et des annulations d'islam, ça fait descendre ton iman, lakin, tu ne perds pas ton iman. Et elle est anti, tu deviens un kafir. Là, lakin, ton iman, il descend. Ahle Sunna, ils sont wasat. Et le murji'a, il y a plusieurs groupes. قال السادس أي السيزيام كوب المعتزلة أتبع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري هذا المدبر المنحرف il faisait partie des élèves de الحسن البصري لمن لكن والعياذ بالله il s'est écarté et il a fait واصل بن عطاء قال وقرر أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد في النار صاص من عقيدة المعتزلة أي يسوي قاري في مسألة التكفير. celui qui fait une kabira, ils ont pas voulu dire c'est un kafir comme le khawarij. Et ils ont pas voulu dire c'est un musulman comme Ahle Sunna. Enfin, ils sont mis entre les deux. Ils ont dit c'est pas un musulman, c'est pas un mu'min et c'est pas un kafir. Il est entre les deux. والعياذ بالله. ثم سيمار إلى في النار. قال وهو مخلد في النار. فالحقيقة المعتزلة في التكفير ils ont عقيدة الخوارج. لأن les deux ils se rejoignent. Anna, celui qui meurt parmi les musulmans et il a fait un grand péché, il n'a pas fait de tawba, fa'indahum il est éternellement en enfer. قال وتابعوا في ذلك عمرو بن عبيد un autre munharif. واصل بن عطاء وعمر بن عبيد من رؤوس مذهب الاعتزال المعتزلة. قال ومذهبهم في صفات التعطيل كالجهمية. نعم, dans الصفات c'est des معطلة. قال وفي القدر قدرية. dans le قدر c'est des قدرية. قال وينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفي فعل الكبير أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين فسصموت تخبط أهل البدع إذا بقى منهج واضح لا هذا يدخل لقعمد هذا هذا يدخل لقعمد هذا الآن المعتزلة إذا لقعمد الجهمية دل الخوارج دل القدرية فصمت شلوك على الحق هكذا. قال السابعة الكرامية أتباع محمد بن الكرام المتوفى سنة 55 و200 يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة. أما في الصفات سيد مشبهة والعياذ بالله. في الإيمان سيد مرجئة. هؤلاء الضلال الكرامية يديز أن الإيمان يكفي لا بقول. فعندهم المنافق سا مسلم مؤمن لأنه il a dit لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو il a pas l'iman dans le cœur pour eux l'essentiel c'est la parole. قال الثامنة السالمة أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه الذين يقولون بتشبيه صفات المخلوق للخالق عز وجل يسوق قليل الآن الآن أكثر ما يوجد المعطلة والمحرف الأشاعرة يسون كثير أهل السنة والله الحمد أما السقرب المشبهة إلى قليل ولله الحمد والمنة. قال الشيخ العثيمين وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع بالحسن علي بن إسماعيل الأشعري. الشيخ العثيمين يغاجد دي غروب كبن قدامة إلى فاسدة الأشعرية. قال كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ الأربعين من عمره les 40 premières années أو jusqu'à 40 ans أبو الحسن il était على مذهب المعتزلة قال ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة قال أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية أو الأشاعرة كذلك tu peux dire الأشعرية et tu peux dire الأشاعرة c'est la même chose قال لا يثبتون من الصفات إلا سبعة قال زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها بل يحرفون قال وهي المذكورة في هذا البيت حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك تسع بإذن الله on le verra en détail خاصة المذهب الأشاعرة dans les prochains livres qu'on fera القواعد المتلى والواسطية والتدمورية إن شاء الله beaucoup ils vont répondre à ce madhab لماذا لأن ce madhab c'est le plus répandu الآن في الصفات كثير من المسلمين ils sont على هذا المذهب les écoles des instituts ils propagent هذه العقيدة الباطلة عقيدة الأشاعرة قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة هذا في نظر سيأتي معنا تعليق شيخ ابن عثيمين الآن ابن قدامة رحمه الله il est passé أو إلى cité رحمه الله des groupes qui sont sortis من السنة et aujourd'hui il va citer المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة il montre الآن أن الخلاف في الفروع أي c'est pas dans العقيدة ils ont des divergences لكن dans le fiqh وقوله فليس بمذموم هذا في نظر إذا تبين الدليل فيجب اتباع الدليل فقوله هنا في نظر فليس بمذموم فقوله فإن الاختلاف في الفروع رحمة أي la divergence dans le فروع أي dans le فقه لأن العلماء يزبل الأصول العقيدة والفروع الفقه et on a vu أن هذا التقسيم في نظر لكن الآن كثير من أهل العلم ils l'emploient فلا بأس أما قوله في الفروع رحمة أي la divergence dans le فقه تين رحمة طوك سبا دان عقيدة هذا سبا صحيح لا يجوز مخالفة الدليل مطلقا كما قال الإمام الشافعي نقل الإجماع أن celui qui a pris connaissance de la preuve qu'elle soit من القرآن ومن السنة il n'a pas le droit de la délaisser بالإجماع الاختلاف سبا رحمة أبدا شوفنا تيمين يبقى نبع على هذا قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم ليس على الإطلاق celui qui délaisse dalil et la connaissance de dalil comme ils font بعض المتعصبة من هذه المذاهب فإلى مذموم قال مثابون في اجتهادهم قال واختلافهم رحمة واسعة تقدم قال واتفاقهم حجة قاطعة si leur اختلاف سين رحمة فالاجتماع سبيت كوا هذا القول في نظر لأن الرحمة في الاجتماع dans le rassemblement un monde diverge c'est une rahma si on se rassemble ça va être quoi l'anna al-ijtima' wa al-ikhtilaf c'est deux opposés tu peux pas dire s'opposer c'est une rahma et s'opposer c'est une rahma abadan qal wa ittifaqum hujjat al-qati'a ittifaq al-a'imma amma ittifaq al-a'imma al-arba'a c'est pas une hujja fa al-hujja li fi al-quran wa as-sunnah et fi ijma' as-salaf نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا آخر كلام الإمام ابن قدامة قال الشارح الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله الخلاف في الفروع قال الفروع جمع فرع وهو لغة ما بني على غيره الأصل c'est le fondement, c'est l'assas. الفروع سما بني على غير اي سسكيفا au-dessus des bases فالفروع c'est pas les fondements là ils traduisent par des branches قال واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها وهذا ليس على الإطلاق on avait vu في دروس الأصول أن هذا سبع على الإطلاق لأن الصلاة من أعظم الأصول La preuve, c'est قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس بني ça montre que les fondements de l'islam ils sont cinq فلا شك أن الصلاة c'est un fondement فتقسيم الدين إلى أصول وفروع في نظر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله partage la religion en أصول et فروع في نظر لأن il cite dans les فروع des أصول et tout ça on l'avait vu en détail dans la risala sur ابن تيمية الأصول من علم الأصول أما الآن نحن on va se concentrer sur مسألة الاختلاف قال والاختلاف فيها ليس بمذموم الخلاف الآن il est pas dans l'aqida أما الخلاف dans l'aqida on l'a vu hier avec الرافضة avec الجهمية avec الخوارج avec القدرية tous les groupes qu'on a cités hier ça c'est خلاف l'aqida celui qui خالف هذا c'est un مبتدع c'est un ضال أما aujourd'hui الآن on parle الخلاف qui est pas dans l'aqida قال والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد الشيخ ابن تيمية الأقيد il est pas مذموم si la personne a une bonne nia il a fait des efforts ou la preuve qu'il a une bonne nia c'est que si tu lui montres le dalil il revient قال اللعن هو والتعصب celui qui a tasnif والتعصب c'est مذموم ou alors c'est dans le fiqh et il pense que son imam il a raison et les autres ils ont tort ou alors s'il contredit le dalil فهذا il est pas محمود ابدا بل il est مذموم لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أي الخلاف يا plusieurs catégories de خلاف يا خلاف comme celui qui va citer الآن أنه يسابل اختلاف الأفهام أي c'est la compréhension مثلا قال حيث قال في غزوة بني قريدة لا يصلين أحدنا العصر إلا في بني قريدة le prophète صلى الله عليه وسلم Il a envoyé ses compagnons, il a béni Quraïda, et il leur a dit, « La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi béni Quraïda. » Il leur a dit, « Personne ne fait salat l'asr, sauf quand vous arrivez à béni Quraïda. » قال فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريدة وصل بعضهم حين خافوا خروج الوقت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم الحديث اللي في الصحيحين عن ابن عمر اختلفوا في الفهم يا دي كومبانيو إذو كومخي لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريدة أن كوكي لغيف جف العصر Dès qu'on arrive à Bani Quraïda. Enfin, il leur a dit ça, qu'ils arrivent à l'heure ou en retard, ils font l'asr à Bani Quraïda. Eux, ils ont compris un cadavre. Un autre groupe de compagnons, sur la route, ils ont vu qu'ils se sont attardés. Et si ils auraient délaissé l'asr jusqu'à Bani Quraïda, l'heure du asr, elle serait dépassée. Elle serait passée. Maintenant, ils seraient arrivés à Bani Quraïda au Maghrib. Les sahaba, ils ont dit là. Ils ont dit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nous a dit de faire l'asr à Bani Quraïda si on arrive à l'heure. Si on n'arrive pas à l'heure, on fait salat à l'heure avec les autres adil. Ils ont divergé. Un groupe de compagnons il a fait salat sur la route. Un autre groupe de compagnons il a attendu d'arriver à Bani Quraïda. Alors c'est une divergence. Là qu'un Nabi sallam l'a munkir ala ahad. قال رواه البخاري ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون أي اختلاف الأفهام. قال ولأنه لا يورد عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول نعم ce خلاف qu'on a cité c'est pas un خلاف qui va impliquer que tu détestes ton frère ou tu le délaisses ou il délaisse ou vous divisez نحن الآن si on prend notre groupe il y a des choses on a un خلاف اختلاف il y a là dans des choses de fait moi maintenant j'ai un avis que le tachahoud il faut pas bouger le doigt il faut rester le doigt pointé j'ai des preuves j'ai des savants toi T'as la vie qu'il faut bouger le doigt. T'as des preuves, t'as des savants. Il y a des frères, ils mettent leurs mains sur leur torse, sur leur poitrine, après le recours. Il y a des autres, ils les laissent tendus le long du corps. Bah, c'est l'ikhtilaf. La compréhension des adillah. Ce qui fait la différence, c'est l'ilm. Et on peut se naqash sur le sujet avec ilm, avec hudou, tranquillement. Et je te montre mes preuves, tu montes tes preuves. Et le haq, on le suit. On n'essaie pas de... Je t'emmène vers mon code, parce que c'est moi qui le suis là. L'essentiel, c'est qu'on suit sunna. Et si on diverge, on reste... On diverge, là, il y a des frères, maintenant, ils sont d'avis que... Yawm al-Sabt, tu ne fais pas siyam. Mutlaqan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit... La yassoum ahadukum al-Sabt, illa mafturida alayhi. Il y a d'autres savants, ils disent les hadiths et les daïfs, d'autres ils disent les sahih. Quand tu trouves des frères, maintenant ils ne jeûnent pas Yom Al-Sabt, sauf l'obligation. C'est un qawl, il y a des savants à l'âge. Il y a des autres, ils disent là, le hadith et les daïfs. Ça c'est un sujet mohim. Comment se comporter face à l'ikhtilaf? On l'avait fait avec certains frères. Et comment se comporter face à la divergence des savants? Ah là c'est mohim. Les gens, ils ne maîtrisent pas Hava et ils font des fitan ou qu'il n'y a pas lieu d'eux. Ils pensent que Fulan il le khalaf dans une chance khalas. Il a des doutes, ils pensent que c'est un égaré. C'est pas gada, ça dépend de ce mukhalaf. La personne là à bout d'y maîtriser des longs. Si t'es pas à la ilm dans ces choses, t'auras pas la hikmah. Abedan. T'auras de la dureté ou qu'il ne faut pas, et t'auras de la douceur ou qu'il ne faut pas. Badanas Gadalik c'est l'inverse. Il sait Wahad Harab Sunnah. Il critique l'ulama, il a une aqida fasida. Tu le trouves, il a toujours des contacts avec lui et tout va bien. Là, al-wasat, le juste milieu. Et ce juste milieu, tu l'auras bil ilm. Là, ce juste milieu, il faut que tu connaisses cet extrême. Tu connaisses cet extrême et tu connaisses ton manhaj. Là, facilement, tu prendras la voie du juste milieu. Sallah at-tawfiq. Qala shir min al-taymin wa qala al-mu'allif. Al-mukhtalifun fi mahmoudun fi ikhtilafihim. Aïe. Ceux qui divergent dans les furu' et dans le fiqh, leur khilaf, leur divergence, elle est mahmouda. Mahmouda, ça veut dire elle est bien. C'est le contraire de quelque chose de mauvais. Adafi nadar. قال الشيخ ابن تيمين ليستنا على الاختلاف فإن الاتفاق خير منه. تأملوا le comportement que la Cheikh ibn Taymin avec Ibn Qudam. Ça, c'est un dars pour nous. Comportement avec Ahl al-Ilm. Il te dit, ne comprends pas de son kalam que l'ikhtilaf c'est bien. Là, Ahl al-Ilm, ils ont une rahma. Il sait qu'Ibn Qudama c'est un imam. Et il sait qu'il veut le haq. En même temps, il sait qu'il n'est pas ma'soum, il n'est pas infaillible. Là, quel comportement? Anta akhi, ton frère, il se trompe. Il y a akhiana, je pense que la mas'ala, et tu commences à rentrer avec lui. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. À la fin, mais innallah, toi, tu reviendras à son qawm, s'il a le haq, ou lui revient à ton qawm. Tout doucement. Nous on parle avec Ahl al-Sunna. Amma Ahl al-Bida' wa al-Dhalal, aslan, je ne les approche pas, comme un taqaddam. Laysadana ala l'ikhtilaf, wa inna l'ittifaq khayrun minh. Cheikh Ibn Uthaymeen, il te montre. Anna, ça ne veut pas dire que l'ikhtilaf, c'est bien. Là, il y en a si l'ikhtilaf, c'est bien, le rassemblement, c'est mauvais. Qala wa inna mal murad bi nafi al-dham'an. Il lui trouve une excuse. Anna al-murad. Al-Imam ibn Qudam, Allah alam, ce qu'il veut, c'est que la personne, dans ce cas-là, il n'est pas athm. Il a fait un effort, il est sincère, ou akhtalafu. Lakin, l'haqiqa, ibarat ibn Qudama, tu peux comprendre kada wa kada. Fa, aslan, la ibarat fi anada. Aslan, il y en a pas de nas, ils peuvent comprendre. Ils peuvent comprendre que l'ikhtilaf c'est bien. Fa, aslan, nahnu, on évite de citer ce genre de ibarat. On dit l'ikhtilaf, il est madmoun. Après, celui qui a une bonne volonté, il veut le haq. Fala shakanahu, il n'est pas athm dans ce cas. قال وان كل واحد محمود على ما قال لانه مجتهد فيه مريد للحق اما المتعصب celui qui suit aveuglément il a pas de ilm et on lui montre le haq comment il s'entête il dit là هذا الان il est dans le ma'siyah وهذا سمقلد اما savant là savant lui il fait un effort et il a compris le hadith comme ça. Il peut avoir raison, il peut se tromper. S'il a raison, prend son qawl. S'il s'est trompé, on le respecte, c'est un savant de la sunna et on ne prend pas son qawl. C'est ça, al-manhaj al-salafi sahih. Qala, li'annahu mujtahid fi murid lil-haq, fa huwa mahmoud ala ijtihadihi wa ittiba' ma dhahara lahu min al-haq, wa in kana qad la yusib al-haq. Et tout ça s'est fondé sur qawl al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha ijtahada al-hakim, fa asaba falahu ajra. Si le savant, il fait un effort, il trouve la bonne réponse, il a deux récompenses. Ajr al-ijtihad wa ajr isabat al-haq. Il a la récompense, il a fait un effort et il a trouvé le haq. وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. Si il fait un effort et se trompe, il a une récompense. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il te montre que هؤلاء ils sont à la khayr. لكن ça veut pas dire que l'ikhtilaf en lui-même c'est un khayr. لا لا لأن le khayr il est dans l'ijtimاع, dans le rassemblement. فانتبه la différence. فعبارة ابن قدامة فيها نظر. Le itlaq qu'il a fait فيه نظر. قال وقولوا إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة أي دخل فيه رحمة الله وعفوه حيث لا يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد هذا سبق المجتهد celui qui est مجتهد les savons نعم فعلى كل حال الاختلاف سمدموم والرحمة والخير في الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما les savants qui divergent c'est des mouchtahids ils sont récompensés celui qui a raison il a plus de récompense que celui qui a tort même celui qui a tort il est récompensé فمن هذا الباب من هذا الباب leur اختلاف il leur fait pas de mal أما les suivre dans l'erreur là il juge c'est pas نحن الآن on dit l'اختلاف c'est une rahma bon allez je choisis le قول que je veux maintenant on fait des doses de fiqh on a quatre avis واحد dit je choisis lequel que je veux c'est tout de la rahma là là la rahma c'est pour le mujtahid il a fait l'effort il a fait ce qu'il devait il peut pas aller plus loin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amma anta si on te montre le dalil on te dit le deuxième qawl c'est sahih لأن le prophète il a dit kada les compagnons ils ont fait kada t'as pas le droit de délaisser abadan si tu délaisses tu suis ta hawa فهذا c'est de l'égarement فdifférencie bien entre le mujtahid et le muqallid قال رحمه الله الاجتماع أو الإجماع وحكمه إلى ست الخلاف ابن قدامة رحمه الله في الفروع الشيخ ابن عثيمين il en profite pour citer l'inverse الإجماع c'est ce qu'on avait vu في الأصول le bab qu'on avait vu في الأصول il va le répéter هنا أي l'unanimité il y en a pas la divergence s'il n'y a pas de divergence c'est qu'il y a unanimité أي tout le monde est d'accord هذا لا شك أن الإجماع t'as pas le droit de le خالف الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين c'est ça l'ijma ويتبع غير سبيل المؤمنين il suit une autre voie que celle des croyants أي إجماع الأمة إجماع الصحابة قال عز وجل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره قال الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاح الاتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة نعم سين حجة قال لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم سموت كل أبخف الذي اتباع الكتاب والسنة فإذا أجمع المسلمون على شيء ونبال وتخالف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة رواه الترمذي للحاجية قال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وضعفه الألباني في ظلال الجنة وللحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن انظر السلسلة الصحيحة نعم نعم avec tout ce qu'il y a في الباب لا شك المعنى لصحيح الحديث لصحيح أو حسن dernière مسألة التقليد التقليد c'est suivi aveugle c'est pas comme l'ittiba الاتباع c'est tu suis le dalil إما قرآن سنة أو إجماع أما التقليد c'est tu suis et t'as pas de preuve c'est ça le تقليد بعض الناس مثلا il suit un savant si tu lui demandes c'est quoi le dalil il sait pas هذا الآن يقلد قال الشيخ ابن عثيمين التقليد لغة وضع القلادة في العنق ce qui met à certaines bêtes comme un collier une chaîne tire cette bête où qu'il veut. C'est ça le taqlid. فلهذا العرب ils ont appelé celui qui suit aveugle à taqlid. هكذا المقلد. C'est comme s'il était attaché et tu l'emmènes où que tu veux. حق وباطل. Il suit. قال واصطلاح اتباع قول الغير بلا حجة. تعبير آخر on avait vu dans l'usul اتباع من ليس بحجة بغير حجة. اتباع من ليس بحجة بلا حجة. Aïe, le fait de suivre une personne, c'est pas une hujja. Il y en a une hujja, c'est le rasoul. Aïe, tu suis une personne autre que le rasoul, sans délit. C'est ça le taqlid. عقلي أما si tu suis un rasoul la shak c'est l'ittiba et si tu suis un savant parce qu'il a un dalil كذلك toi tu suis savant parce qu'il a un dalil fa le troisième cas tu le suis sans dalil ça c'est taqlid قال وهو جائز لمن لا يصل الى العلم بنفسه لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا في الحقيقه بعض العلماء يقولون ان هذا سيبا دو تقليد si tu demandes à عالم اولا تطبيق الايه فاسالوا اهل الذكر فالان ستتبع تسويفي l'ordre الله t'a ordonné demandez aux gens de science si vous ne savez pas فالان سعامي il sait pas il n'a pas de علم الشيخ الالباني il a un قول الشيخ بن باز il a un قول il n'a pas de علم il ne peut pas dire الشيخ بن باز il a raison ou الشيخ الالباني il a raison ما يدري في هذا الحال il a une solution c'est il demande c'est ça le matlou فقول بعض العلماء ان العامي doit قلد et il cite ce verset في نظر الحقيقة c'est pas du taqlid فلهذا certains علماء ils disent le taqlid c'est محرم مطلقا عامي ou pas لان العامي il a une raison il peut demander même s'il n'a pas de problème il peut demander et il demande des preuves s'il demande la preuve et il a compris خلاص il suit la preuve هو على كل حال عامي أو غير العامي لا يجوز يقلد s'il a un problème il demande là chaque tu peux avoir des cas où l'ami il demande et il n'a pas compris في هذا الحال ماذا يفعل هذا الحال il suit علماء السنة s'ils ont divergé il suit un d'eux et il demande et il essaye de faire son possible voilà يكلف الله نفسا ما وسعها اختلاف entre أهل العلم ça le poussera inshallah jamais à l'égarement même si Cheikh Ibn Baz اختلف avec Cheikh Al-Albani c'est pas dans l'aqida c'est pas dans des omours il va s'égarer enfin il fait un effort de trouver le haq s'il ne trouve pas il suit un de deux qawl et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui facilite هذا et التقليد c'est du ضعف ça les ulama ils sont tous d'accord أن التقليد c'est une faiblesse التقليد c'est dès que t'as plus le choix ou la personne il n'a pas de ilm ou il ne sait pas comment faire أما أهل العلم وطلبت العلم t'as pas besoin de suivre aveuglément foulain fais des recherches demande lis apprends et inshallah tu verras que chaque mas'ala a un délit si foulain il se trompe si c'est un savant de la sunnah tu le respectes et il s'est trompé et tu prends le haq قال والمذاهب المشهورة أربع الآن il va citer les quatre madhab connus لأن ابن قدامة il avait cité ça ابن قدامة il avait dit quatre طوائف الأربع أي les quatre madhab الشيخ ابن عثيمين il va les citer قال الأول المذهب الحنفي وإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق ولد سنة 80 وتوفي سنة 150 il est mort à 70 ans رحمه الله قال المالكي المذهب المالكي وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100 رحمه الله إمام دار الهجرة إلى صن سلب غليفر الموطأ موطأ مالك قال الشافعي وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400 قال الحنبلي أي المذهب الحنبلي قال وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان قال ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200 قال وهناك مذاهب أخرى أما الإمام أحمد معروف صاحب المسند Et ça, c'est les quatre madhahib connus et qui se sont propagés. Amma, il y avait des autres madhahib qui va citer. Quand on a un madhahib ukhra, comme madhahib al-Zahiriya, ou al-Zaydiya, ou al-Sufyaniya, nisba ila Sufyan al-Sawri. قالوا وغيرهم وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ ça c'est منهج السلف الشيخ ابن عثيمين أن يتمنطق إلى ستة مذاهب ça veut pas dire tu suis un dans tout ce qu'il dit مثلا الحنفي suit المذهب الحنفية même si مذهب المالكية ils ont raison ils délaissent ça c'est من الهوى والتعصب أنت tu prends le حق وكذا Et là, on cède avec la compréhension de ces savants. Amma suivre aveuglément tout ce qu'il dit la raison. Et celui qui le khalif, il a tort. Ça, c'est manzilat al-rasoul. On n'a pas le droit de mettre quelqu'un à la place du rasoul. Abadan. Qala wa يدرك من قولي ما كان خطأ ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه عز وجل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال: تم في عصر الجمعة الموافق العاشر محرم 92,300,000 بقلم مؤلف الفقير إلى الله محمد صالح العثيمين رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيه البركة ويرحم المؤلف والشارح.